The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Can. Pouvoir. To talk. Parler. Silence. Le silence. Quickly. Vite. Library. La bibliothèque. Now, a bit faster. Library. La bibliothèque. To talk. Parler. Silence. Le silence. To talk. Parler. Library. La bibliothèque. Can. Pouvoir. Silence. Le silence. Library. La bibliothèque. To talk. Parler. Can. Pouvoir. Library. La bibliothèque. Now, use the words in context. Pouvoir. I can come tonight. Je peux venir ce soir. Parler. She speaks French and English. Elle parle français et anglais. Le silence. Quiet. Silence. Vite. I'm going to do it fast. Je vais faire vite. La bibliothèque. I'm going to the library to study. Je vais à la bibliothèque étudier. Pouvoir. I can come tonight. Je peux venir ce soir.